De retour à Futur Simple sur les ondes de CKRL 89.1, Valérie Levé au microphone, et nous continuons cette émission thématique sur l'urbanisme. En première partie, nous avons entendu le professeur d'urbanisme Gérard Baudet qui nous a relaté le développement des villes au Québec. Et maintenant, on va s'intéresser aux villes d'aujourd'hui. Et pour en parler, rien de tel que de parler à un maire ou à quelqu'un qui a été maire et qui a vu les choses de l'intérieur. Je suis donc en compagnie de Maxime Pedneau-Jobin, ancien maire de Gatineau. Bonjour, monsieur Maxime Pedneau-Jobin. Bonjour. Alors, vous avez écrit un livre cet automne paru aux éditions XYZ, un livre au titre assez fort, Libérer les villes. Ça suggère un petit peu que les villes sont prisonnières ou du moins qu'elles ont les mains liées. Alors, pour comprendre de quoi il s'agit, je vous propose de commencer un peu par le début pour mieux comprendre le rôle des municipalités, parce que vous écrivez dans votre livre que ce rôle a considérablement évolué depuis la création des municipalités. Oui, radicalement, en fait, les villes ont été créées en quelque sorte là, un peu avant 1867, donc ça fait longtemps, et elles ont été créées dans un cadre où c'était plus des administrations que des gouvernements locaux. Donc, on s'occupait d'aqueducs, d'égouts, d'asphalte, de déneigement, un peu de sécurité, mais c'était des administrations qui donnaient un service à des propriétaires, à des propriétés même. Oui. Donc, il n'y avait que les propriétaires qui votaient. C'était vraiment une administration qui offrait un certain nombre de services. Puis ça a changé radicalement. Aujourd'hui... Et ces services, c'était par exemple de fournir de l'eau potable, d'enlever... Absolument, donner de l'eau potable, s'assurer que les matières résiduelles étaient ramassées, qu'il y avait de la police, donc c'était sécuritaire, il n'y avait pas de vol. C'était assez minimal. Puis je répète, parce que c'est intéressant, ça s'adressait essentiellement aux propriétés. Donc, seuls les propriétaires votaient. C'était vraiment conçu comme ça. Là. C'était une organisation, une corporation qui offrait des services. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle de plus en plus des gouvernements de proximité, c'est-à-dire des gouvernements locaux qui offrent un ensemble de services, en fait, assez vaste. Là. Maintenant, les villes sont principales diffuseurs de culture, de loisirs, de sport. On fait du développement social, du développement économique, de la lutte à la pauvreté. C'est plus la même ville qu'avant, mais elle est prisonnière, d'où le titre, du même cadre légal puis du même cadre fiscal. Fait que c'est ça, mon livre, essentiellement, c'est un argumentaire pour dire qu'il faut libérer les villes de ces deux cadres-là, fiscal et légal, parce qu'elles pourraient prendre leur envol alors que là, elles sont prises dans un système qui les brime énormément. Mais c'est ça un petit peu, donc il y a un paradoxe parce qu'elle joue maintenant les villes à un rôle de premier plan pour livrer toutes sortes de services qui ne sont pas juste boucher les nids de poules, mais exact. Aussi donc à soutenir, apporter des services culturels, les bibliothèques, développer les équipements sportifs, soutenir l'économie, donc tout un tas de services. Mais en même temps, elles n'ont pas le premier rôle pour faire ça, puisque justement, elles n'ont pas un cadre légal qui leur permet d'agir. Et c'est là que vous dites que les villes sont les créatures des provinces. Donc, ça veut dire quoi, ça, que les cadres sont les créatures des provinces? Et en quoi ce cadre légal emprisonne un petit peu les municipalités? Ça a l'air d'un sujet aride, les villes créatures des provinces, mais c'est plus simple qu'on pense, puis c'est vraiment important. C'est que dans le sens de la Constitution canadienne, les villes n'existent pas. Elles existent à travers le droit d'une province d'en créer. C'est pour ça qu'on appelle ça des créatures des provinces. Donc, la province existe, a un champ de compétences, puis dans le champ de compétences de la province, il y a la possibilité de créer des municipalités. Et c'est là où les provinces adoptent une loi sur les cités et villes et créent des administrations municipales qui peuvent faire un certain nombre de choses. Et là, le problème profond, puis je vais commencer en parlant des provinces, c'est que les provinces ont vraiment un champ de compétences. Donc, en santé, la province fait à peu près ce qu'elle veut. Dans la mesure où elle respecte deux ou trois principes vagues du gouvernement fédéral, la province, le champ de compétences lui appartient. En éducation, c'est la même chose. On peut créer des cégeps, une autre province ne crée pas de cégep, on peut faire un peu ce qu'on veut. C'est pas ça pour une municipalité. La municipalité, elle, étant donné qu'elle est une créature de la province, quand elle la crée, elle doit inscrire dans la loi tout ce qu'une ville peut faire, dans le détail. Et si c'est pas écrit dans la loi, la ville ne peut pas le faire. En santé, par exemple, pour une province, si c'est pas écrit dans la loi que la Québec peut inventer un CLSC, bien, ils inventent un CLSC puis c'est réglé. Et c'est eux-mêmes qui déterminent ce qu'ils peuvent faire. Et c'est ça qui est un carcan absolument hallucinant pour les villes. C'est ce qui fait que le droit municipal est un des plus complexes, des plus lourds, des plus bureaucratiques au Canada. C'est que tout doit être dans la... Je vous donne un exemple de cette lourdeur-là. Par exemple, là, on a réussi à le corriger, mais des exemples comme ça, il y en a des milliers. Pendant longtemps, les villes ne pouvaient pas publier d'avis public ailleurs que dans un journal parce que dans la loi, c'était écrit « doit publier les avis publics dans un journal ». Bon, ben depuis, il y a l'Internet, il y a toutes sortes de sites, il y a toutes sortes d'outils numériques qui n'étaient pas dans la loi. Donc là, on a changé la loi. Ah oui. Et des exemples comme ça, il y en a des tonnes. Donc, il a fallu changer la loi pour que les villes puissent publier un avis sur Internet. Exact. Ça paraît un petit peu ridicule de remuer la loi pour juste publier. Ah non, c'est... Si la ville de Gatineau veut se donner un président de l'exécutif, il nous a fallu aller à Québec pour faire changer la loi sur la ville de Gatineau pour qu'on puisse avoir un président de l'exécutif. On voulait se donner un office de consultation publique. C'est pas dans la loi. Il a fallu aller... Ben en fait, c'est pas encore fait, là, mais on a fait une demande pour que Québec change la loi. C'est d'une absurdité, d'une lourdeur qui n'a aucun sens. Et ça limite... En fait, toute forme d'innovation dans le monde municipal exige des changements à la loi presque systématiquement parce que innover, c'est par définition sortir du cadre. Dès qu'on sort du cadre, il faut... c'est là où on perd tous un temps fou de l'énergie, des ressources. J'aimerais voir un petit peu un exemple parce que bon, on disait précédemment que les villes ont maintenant un rôle à jouer, par exemple dans les services culturels, même peut-être dans la santé publique. Donc la santé, a priori, on dit ça relève du ministère des provinces. Donc en quoi est-ce que le fait d'être lié avec un cadre, d'être la créature des provinces, ça vous empêche par exemple d'agir sur dans le domaine de la santé publique ou des services culturels ou des équipements sportifs? Ça nous empêche pas nécessairement. Ça dépend ce qu'on veut faire. Par exemple, si on veut subventionner des organismes culturels, ça doit être dans la loi et il y a des limites, il y a un cadre, il y a des contre-pouvoirs, etc. Après que ça c'est fait, on subventionne un peu comme on veut. C'est-à-dire pas comme on veut, mais qui on veut. Ça nous empêche pas de dépenser de l'argent. Par exemple, si en santé publique, on veut adapter nos infrastructures, par exemple, aux aînés. On sait qu'avec la population qui vieillit, ben ça prend plus de bancs dans les parcs parce que il y a plus de gens qui marchent, puis ils marchent pas tellement longtemps, dépendant de leur âge. Ah ouais? Donc, ça prend des accommodements. Ça, on peut le faire, on peut dépenser comme ça. On peut faire des plans de lutte à la solitude. Donc, notre capacité de dépenser fait que le cadre légal qui nous enferme n'est pas absolu. On a certaines marges de manœuvre, là. Faut pas que j'exagère. Mais il reste que fondamentalement, par exemple, nous, on a fait un superbe projet d'économie sociale où c'était un organisme à but non lucratif qui gérait un amphithéâtre sportif. Mais parce qu'il y avait un petit danger qu'on donne une subvention indirecte à l'organisme à travers le modèle d'affaires, ça nous a pris une loi à Québec pour confirmer notre plan d'affaires avec ça. Ça n'a pas de sens. Ouais. À partir du moment où c'est adopté par un conseil municipal, on a un vérificateur général, il y a une vie démocratique saine, il existe des contre-pouvoirs. Là, en plus, ça prend une loi à Québec, c'est fou. Ouais. Ouais, c'est une perte de temps puis une perte d'argent parce qu'il y a des gens qui doivent légiférer pour tout ça, donc on rompt puis on n'avance pas. Ouais. Et là, pour essayer d'améliorer, de remédier un petit peu à ce carcan de cadre légal, vous présentez la solution de la charte des municipalités. Donc, qu'est-ce qu'elle apporterait comme solution, cette charte des municipalités? En fait, c'est pas mon idée, c'est l'idée de l'Union des municipalités du Québec, là. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur cette idée-là. Et en gros, c'est de faire... Je recule un peu. idéalement, ce qu'on ferait, c'est qu'on changerait la Constitution. On créerait dans la Constitution des autorités locales avec des champs de compétences généraux, un peu comme des provinces au niveau local. On se mettrait des règles qui disent, par exemple, un règlement municipal ne peut pas contredire une loi provinciale, puis on laisserait les villes travailler. Mais bon, le Canada, c'est pas un pays normal, on n'est pas capable d'ouvrir la Constitution parce qu'on s'entend sur pas grand-chose. Donc, ça prend des mécanismes autres. Moi, j'espère qu'un jour, on va l'ouvrir, la Constitution, mais... Et dans les mécanismes autres, il y a ce qu'on appelle la charte des municipalités, où là, c'est le gouvernement du Québec, donc c'est celui qui crée les provinces, qui crée les cités, les municipalités, qui déciderait d'abandonner une partie de ses pouvoirs et de créer un champ de compétences aux villes. Par exemple, on dirait, vous devez vous donner des règles de transparence plutôt que de dire, vous devez publier dans un journal un avis public. Bon, ben là, les villes se donnent des règles de transparence, puis c'est réglé. Là, il y a plusieurs avocats qui ont regardé jusqu'à quel point c'était possible, comment on pouvait faire ça. L'UMQ a travaillé pendant en fait quelques années là-dessus. Et c'est jouable. C'est pas la solution idéale, mais à l'intérieur de la Constitution actuelle, c'est la solution la plus intéressante qui a été trouvée. Puis c'est intéressant parce que vous dites bien que c'est une idée de l'union des municipalités. Donc, c'est pas, il y a une forme de consensus un petit peu au sein des municipalités pour trouver que le cadre légal est un carcan et qu'il faut en changer. Il faut trouver autre chose. Absolument. Évidemment, dans tous ces domaines-là, on commence par un consensus, puis ça finit parfois dans des chicanes, puis dans des débats. Mais là, il y a une idée générale que tout le monde, avec laquelle tout le monde est d'accord, c'est qu'il faut changer le cadre. Il faut le simplifier. Après ça, une des grandes difficultés du monde municipal, c'est sa diversité. Il y a des villages de 300 habitants, il y a des villes de comme Montréal, il y a Gatineau entre les deux. C'est difficile d'avoir un cadre pour tout le monde. Moi, je pense que c'est une excellente idée, c'est une belle contribution, c'est un début, mais il y a loin de la coupe aux lèvres. Est-ce que cette idée-là a été présentée au gouvernement provincial? Oui, ils sont au courant. Je dirais qu'il n'y a pas un grand intérêt pour la chose municipale dans le gouvernement caquiste actuel. Et certainement pas d'intérêt du tout pour une réforme. C'est pas dans leur programme électoral, ils n'ont pas de... D'où l'idée de faire le livre aussi pour essayer de convaincre l'ensemble des partis à Québec qu'il y a quelque chose qui est urgent dans ce domaine-là, qui est pas facile, mais qui est jouable. Là. C'est pas de l'idéalisme déconnecté de la réalité, là. C'est faisable. C'est un peu une de mes motivations en écrivant le livre. Il y a un mot qui revient souvent dans votre livre à propos du gouvernement, de l'attitude du gouvernement par rapport aux municipalités, c'est le paternalisme. Il faut toujours que les villes, que le gouvernement surveille ou encadre ou vérifie que ce que font les municipalités est dans l'ordre des choses. Oui, puis c'est comme si a priori on n'était pas bon, donc il fallait nous surveiller. Puis moi, ça c'est une attitude qui je dirais qu'il varie assez peu d'un gouvernement à l'autre. C'est vraiment très fort à Québec, cette approche-là. Qui vient pour des bonnes raisons parfois. Là, il y a des villes qui ont dérapé pas mal. Là. Il y a eu des cas de corruption, il y a eu toutes sortes de... Mais dans une grande ville, je vais prendre celle que je connais le mieux, là, dans une grande ville comme Gatineau, quand on a un vérificateur interne, un vérificateur externe, des médias, une vie démocratique saine, est-ce qu'on a vraiment besoin que Québec regarde tout ce qu'on fait par-dessus notre épaule? Il y a quelque chose qui n'a pas de sens, là. Oui. De toute façon, la charte des municipalités empêcherait pas qu'il y ait peut-être un garde-fou en arrière pour regarder quand même sur ce qui se passe. Ça n'empêche pas non plus, de toute façon. Tout à fait. Puis moi, je pense que c'est nécessaire. Moi, j'ai un ami qui disait toujours à tout pouvoir, il faut un contre-pouvoir. Ben, je pense que si on donne du pouvoir aux villes, ça prend un contre-pouvoir. Mais il y a une différence entre un contre-pouvoir et un gouvernement paternaliste qui vérifie tout ce qu'on fait. Là. Je vous laisse aller. Donc là, on a parlé du cadre légal, qui est un peu, qui, qui, On ferme un petit peu les municipalités, mais même si on change le cadre légal, ça suffira pas parce que il faut quand même, si on transforme si on fait des municipalités à un gouvernement de proximité, il faut quand même donner à ce gouvernement les moyens financiers d'agir. Et là, à nouveau, bien vous développez pourquoi la taxe foncière ne permet pas à la municipalité de développer ses services, parce que cette taxe foncière a été créée en fonction de l'ancien rôle des municipalités et plus au rôle élargi des municipalités d'aujourd'hui. Oui, puis je vais donner des exemples concrets. Avant, on prenait les déchets, on les enfouissait, c'était réglé. Ça ne coûtait pas très cher. C'était pas nécessairement bon pour l'environnement, mais ça ne coûtait pas cher. Là, on fait du compostage, du recyclage, on a des éco-centres, on fait du réemploi. Toutes les normes sont plus strictes pour la gestion de l'eau, pour la qualité de l'air, pour la construction des bâtiments. Ça coûte une fortune. Donc, on s'en réjouit parce que c'est bon pour l'environnement, mais la taxe foncière suffit plus pour des dépenses comme celles-là qui ont explosé. Puis l'environnement, c'est peut-être le domaine où la croissance a été la plus grande, mais pompiers, policiers, c'est la même chose. Les normes en gestion des incendies font qu'on a embauché énormément de pompiers de plus qu'avant. Même chose pour les policiers. Puis même le travail lui-même a changé. Il y a 30 ans, un policier gérait un cas de violence conjugale en une heure. Aujourd'hui, c'est 10 à 12 heures parce qu'il le gère pour vrai. Okay. Parce qu'il fait des liens avec les organismes communautaires, parce qu'il fait des liens avec la victime, parce qu'il y a des entrevues qui sont plus détaillées, parce que, je ne dis pas que c'est parfait, mais on travaille beaucoup mieux qu'il y a 30 ans. Bien, ça veut dire que ce cas-là, puis j'ai pris violence conjugale, j'aurais pu prendre santé mentale, c'est à peu près la même lourdeur. Donc, c'est 10 à 12 fois plus de ressources qu'il y a 30 ans, toujours avec la même taxe foncière. Puis là, je parle des anciennes responsabilités. En plus de ça, on a des nouvelles responsabilités qui doivent aussi être financées avec la taxe foncière. Il y a des bibliothèques maintenant, il y a toutes sortes de choses maintenant dans les villes. Dans une municipalité au Québec, là, souvent, le seul point d'accès à la culture, c'est la bibliothèque. C'est la maison de la culture au village. C'est, si on enlève ça, il n'y a à peu près pas d'accès à la culture dans bien des municipalités, dans bien des régions du Québec. On est le principal diffuseur de culture, de sport, de loisirs. Les villes font de l'accueil des immigrants. Avant, c'était inimaginable de dire ça. Là, d'abord, les vagues d'immigration sont imposantes. Puis, quand les nombres sont aussi grands, ben les tensions qui se produisent. Moi, j'ai jamais répété que les villes, que les immigrants arrivent pas au Québec ou au Canada. Ils arrivent dans un quartier. Ils arrivent dans une rue. Ils arrivent dans une école. Donc, s'il y a à avoir du travail pour faciliter l'intégration, pour accompagner les gens qui cherchent un emploi, veulent apprendre le français, etc., bien souvent, c'est les villes qui coordonnent maintenant ça. Il y a des toutes petites municipalités maintenant qui ont une politique d'accueil des immigrants. C'était pas pensable il y a même 10 ans. Alors qu'aujourd'hui, ça se multiplie. Bon, mais ça, on paye ça avec la taxe foncière. Donc, ça non plus, ça marche pas, là. Mais elle n'a pas été prévue pour tout ça initialement. Donc, y a un défaut de taxe, il y a un défaut de rentrée, de revenus d'argent pour livrer tous ces services. Donc, il faut trouver d'autres sources de financement. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai une réponse simple, une réponse compliquée. Commençons par la réponse simple. Mais en fait, souvent, la réponse compliquée est la meilleure. C'est qu'il faut faire une vraie réforme. Donc, ce n'est pas que de dire à Québec, on manque d'argent, donnez-nous-en. Qui est la solution simple? C'est plus de dire, OK, qui fait quoi et qui paye pourquoi? D'abord, parce qu'il y a une limite à ce qu'on peut imposer aux gens au niveau des impôts et tout ça. Là. Donc, il faut être prudent avant d'ouvrir les ventes. Mais je reviens à l'exemple d'immigration. La ville ne remplacera pas le gouvernement fédéral ou le gouvernement provincial dans leur responsabilité à eux, mais ils ont une certaine responsabilité de coordination sur le terrain qui demande au moins un employé dans une ville. Des fois, c'est un demi-employé, des fois, c'est deux. Nous, on doit le payer. Ça sort d'où? Selon moi, ça devrait sortir des fonds associés à l'immigration qui étaient jadis dépensés à 100%, soit par le fédéral, soit le provincial. Ils devraient nous en céder une partie. C'est vrai. Peut-être qu'il y a des villes qui font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Peut-être qu'en culture, il y a des villes qui ont été un peu trop enthousiastes, qui en font un peu trop, il y a des choses qui relèvent de Québec, mais c'est vrai qu'on s'arrête. En culture, ce n'est pas un bon exemple, là, parce que je trouve qu'on n'en manque pas, là, mais on n'en a pas de trop, je veux dire. Donc, il y aurait une réflexion à faire sur qui fait quoi, qui paye quoi, avec Québec puis avec Ottawa. La solution, à la fin, c'est probablement une part d'impôt sur le revenu plus importante qui viendrait, qui serait transférée vers les villes. Moi, j'aime beaucoup les taxes à la consommation, parce que si on ne consomme pas, on n'en paye pas. Donc, si les villes avaient une portion des taxes à la consommation, je pense que ça serait aussi une avenue. Il y a quelques années, le fédéral avait coupé un point de TPS. Si au lieu de baisser les impôts, Jean Charest avait transféré, gardé le même point, mais transféré aux villes, ça aurait été extraordinaire. Oui. Parce que vous dites, d'un autre côté, la taxe foncière également, bon, on peut pas, d'abord, c'est une taxe inéquitable, parce que moi et puis les voisins, on va payer la même taxe, mais parce que nos maisons sont peut-être équivalentes, mais on n'a pas le même revenu. Donc, Exactement. Il y a une certaine inéquité. Puis, on ne peut pas éternellement refaire du nouveau développement immobilier pour accueillir des nouvelles, pour avoir de nouvelles taxes, parce que finalement, ça ne suffira pas à la fois à livrer les services de voirie, etc., à ces nouveaux développements et à entretenir tout ce qui est déjà en place, toutes les infrastructures qui sont déjà développées et qu'on n'arrive pas à entretenir. Donc, vous dites Exactement. Aussi que on peut pas continuer, on peut pas juste compter sur les taxes foncières, ça marche pas. Non, ça marche pas. Puis l'exemple que vous donnez sur le revenu des particuliers est excellent parce qu'il y a des limites. Même les personnes âgées qui restent dans leur maison, si on augmente trop les taxes, c'est souvent une grosse dépense de plus, puis leur revenu à eux augmente pas. Ça s'applique aussi au commerce. Un petit commerce qui fait pas d'argent, ben, il paye le même taxe qu'un commerce qui est florissant. Donc, il y a aussi là une réforme vraiment importante à faire. Donc, c'est quand même une réforme importante à entreprendre. Est-ce que vous pensez qu'on en parle suffisamment, qu'on est sur les, ça se passe, est-ce que ça se passe, parle dans le milieu des municipalités? Est-ce que Si je trouvais qu'on, en fait, j'ai écrit un livre parce qu'on en parle pas assez. Ouais. J'ai vraiment le livre, c'était de dire, moi, je vois une nouvelle génération de maires et mairesse particulièrement emballant un peu partout au Québec, mais je me dis qu'ils réussiront pas tellement parce qu'ils sont pris dans le même carcan que ce que moi j'ai vécu. Donc, il faut en parler plus, il faut se faire une tête, il faut réfléchir. Une réforme comme ça s'improvisera pas. Ça va prendre un processus assez lourd, puis c'est un grand choix de société de consolider les pouvoirs locaux, à quel prix, etc. Donc, c'est pour ça que vraiment ça me motivait à écrire le livre, parce que la réflexion doit s'intensifier. Elle existe déjà depuis, j'allais dire, elle est commencée, là, mais elle doit s'intensifier parce que la situation empire à chaque année. On comprend que c'est une réflexion qui existe au sein de l'Union des municipalités. Les maires, les mairesses doivent en parler entre eux, mais ça n'a pas vraiment débordé de cette sphère-là, peut-être, cette discussion-là. C'est peut-être un problème. C'est un problème, c'est qu'on en parle entre nous. C'est pour ça que j'ai essayé d'écrire un livre assez vulgarisé, là, facile d'accès. Oui, c'est très facile à lire. Oui. Si quelqu'un aime sa ville, là, il est capable de comprendre. Là, c'est parce que faut que les citoyens aussi s'approprient cette nécessité-là de réformer puis comprennent le problème avant qu'on parle de solutions. Très bien. Alors, on va voir comment les choses, on va voir l'écho que ce livre a dans la population en général, au sein du gouvernement peut-être. On va voir quelle suite il y aura. Alors, je vous remercie beaucoup, Monsieur Maxime Penaud-Jobin, pour nous avoir éclairé sur la réalité des municipalités, leur rôle dans le développement social, économique, culturel, et l'impasse légale et financière dans laquelle elles se trouvent. Donc, on comprend mieux, en lisant votre livre, quelle est la réalité de ces municipalités. Donc, on retrouve tout ce propos dans ce livre qui s'appelle « Libérer les villes », paru aux éditions XYZ cet automne. Merci à vous, Monsieur Penaud-Jobin. Merci beaucoup de votre invitation. Alors voilà, c'est la fin de Futur Simple pour ce soir, mais revenez-nous la semaine prochaine. Il sera question d'archéologie et du devenir de nos forêts en contexte de changement climatique. Et maintenant, je cède le micro de CKRL 89.1 à Calypso Lemoine pour En aparté. Moi j'ai reçu une lettre qui vient de loin. Ça vient des jardins de Mata Venero. Et j'entends une voix qui chante et ça me fait du bien. Une voix qui me dit de laisser faire le jour, de laisser faire la nuit. Pas de lacets à mes souliers, jamais plus envie d'hésiter. Et c'est si loin de la vie, et ça ressemble à la mer. Moi je vais pas me casser la tête avec des mots savants dans les jardins de Mata Venero. Moi je veux plonger dans la boue et jouer du tam-tam. Laisser le jour, laisser la nuit. Y'a pas de brosse pour les cheveux, et pas de cerne sous les yeux. Et c'est si loin de la ville, et ça ressemble à la mer. Moi je t'emmener là-bas, t'emmener avec moi dans les jardins de Mata Venero. Moi je veux te lécher la joue et jouer du tam-tam. Laisser le jour, laisser la nuit. Te dire des mots d'amour, des mots qui durent toujours. Et c'est si loin de